Daniel, je sais pourquoi, chapitre 7, de retour sur terre. Nous nous retrouvâmes dans un hôpital. Nous nous situions dans un couloir où une femme noire lavait le sol. Une forte odeur s'émancipait dans l'espace. Mon guide m'influa qu'il s'agissait d'ammoniac. Les murs et le sol étaient nuancés par des teintes différentes. Le mobilier était métallique. Un homme tournant le coin de ce couloir se dirigeait vers nous, la tête penchée sur des documents. Il était habillé de blanc. « Où sommes-nous ? Encore dans un hôpital » demandai-je. « Oui, Daniel, » dit mon guide, « nous sommes sur terre, dans un grand hôpital français. Nous allons visiter ta mère. Elle ne te verra pas, mais tu pourras la regarder à loisir et comprendre le sens de sa vie. » Je me ressentais vivre et mon guide restait lointain. Nous venions de visiter l'infini du cosmos et le non-localisable. Nous avions perçu les mystères de l'évolution, supprimé le joug du temps, ramener à zéro les distances de l'impossible, et moi, pauvre esprit, je m'émerveillais devant les décors de la vie terrestre, heureux de revoir ma mère. Un état de légèreté qui aujourd'hui me démontre ô combien il est difficile d'accéder au supérieur. J'étais encore terrestre et j'oubliais très vite mon échappée dans les sphères lointaines de l'éternité. S'avançant vers moi, mon guide me dit « Voilà ta mère ». Il n'y avait devant moi que cette femme noire, pressant sa serpillière et insistant sur quelques taches dispersées sur la brillance du sol. « Où est-elle ? Je ne vois que cette servante. Je ne perçois pas ma mère. Ou bien serait-elle dans cette femme à l'allure grossière ?» Mon guide s'imposait dans ma réflexion. « Ce n'est pas une servante, mais une femme d'entretien, assurant la salubrité des locaux. Ceci est son travail. Elle possède à ce titre une grande responsabilité, et ce que l'on appelle habituellement le ménage n'est pas dégradant. » Les hommes ont cette fâcheuse manie de juger la forme des actions sans sonder leur utilité ou quelquefois leur inutilité. La réalité en est autrement, Daniel, chacun occupant une place prévalant pour l'ensemble. Ta mère n'est pas incarnée dans cette femme, mais elle lui est sympathique. En fait, elle suit cette femme comme enseignement en vue de sa prochaine incarnation terrestre. Cette femme subit une existence douloureuse. Certains points de celle-ci doivent servir d'étude à ta mère. « Oui, » répondis-je, « mais où est-elle ? Puisque vous me dites qu'elle se trouve autour de cette femme, nous n'avons pas besoin d'attendre la nuit pour la voir. » Mon guide continua. « Il te faudra plus de modération dans tes désirs pour la voir, Daniel. Ta fougue te détourne d'elle. Je t'emmène vers elle et tu t'en éloignes. Sois plus attentif. » Tout en m'approchant de cette femme, je cherchais ma mère. Tout près de la ménagère, je remarquais les traits disgracieux de son visage. Elle était grasse et mal soignée. En fait, je la trouvais laide et elle ne m'inspirait pas la dignité. Je me pris alors à juger cette femme noire et avant même de me retourner sur mon guide, avec un profond sentiment de confusion, j'entendis déjà sa pensée, jointe à ma conscience, me rappelant à l'amour. Je devais faire abstraction de mes préjugés. Mon guide rajouta « Daniel, tu vis ici une des plaies les plus graves du paysage émotionnel de l'humanité. Le racisme est une hypertrophie des différences, qu'elles soient physiques ou morales. Certaines races humaines ont été vues comme impures et inférieures par obscurantisme et amalgame idéologique. L'homme n'est pas qu'une formation biologique. Sa forme et sa couleur ne desservent pas son âme. Tout ceci est dynamisé par l'esprit et celui-ci ne connaît pas la dualité. » Je comprenais ce que voulait dire mon guide. J'avais emprunté le chemin du racisme, un mot, une idéologie pourtant nouvelle pour moi, mais qui cependant semblait correspondre à quelque chose au plus profond de mon être. Je me refusais de continuer en ce sens et surmontais alors mes propres limitations. Cette femme n'était certes pas belle, mais elle n'était pas non plus monstrueuse. Cette escapade dans l'évaluation inutile du physique de cette personne m'avait détournée du pourquoi des choses. L'envie de voir ma mère me rendait inférieure, primaire dans mes déductions. C'est en ces moments importants que je me rendais compte de la portée des menées spirituelles de mon guide. Celui-ci me dit « Il est bon que tu subisses ces épreuves. À travers elles, tu ressens les milliers de travers qui sévissent ici-bas. Tu viens d'en comprendre un et tu l'extirpes de ton âme. Mais il en reste encore beaucoup d'autres à affronter. Allez, il faut continuer cette visite. Regarde encore et trouve ta mère. » C'est alors que je l'indistinguais, flottant dans l'espace de ce couloir-là, l'esprit de ma mère qui ne me percevait pas. Elle semblait douce, d'un aspect équilibré, habillée d'une blouse indescriptible. Tout autour d'elle régnait une sorte de brouillard ressemblant à celui du mauvais temps. « Je la vois » susurrai-je. « Oui, » répondit mon guide, « elle tient ici la place d'un esprit sympathique à cette femme se prénommant Marie-Noël. Nous allons la suivre. » Marie-Noël était alors debout, finissant de ranger un chariot qu'elle poussait devant elle. Elle le laissa ensuite dans une pièce où de nombreux ustensiles du même genre étaient installés. Elle s'assit ensuite pour ôter ses chaussures et sa blouse qu'elle accrocha avec méticulosité. Elle se retrouva, là, devant nous, en petit dessous. Je fus pris alors d'une émotion impossible à maîtriser, un fou rire comme je les aimais autrefois. Bien en chair, cette femme devrait avoir plus de tissu pour être convenable. Tout en continuant de sourire, mon guide me dit « Ton attitude est désolante. Tu as la permission de t'immiscer dans un rapport intime et voilà que tu te disperses dans l'aspect matériel de cette situation. Tu ne me semblais pas autant alerte et joviale dans l'espace des transitions. » Pourquoi donc cette suffisance ici sur terre? Non, Daniel, il te faut du maintien. Allez, suis-la. Tout était devenu sombre dans la pièce. Sortant de celle-ci, les couloirs étaient faiblement éclairés par de petites lanternes oranges. Marie-Noël était sortie, marchant dans les rues de la ville. Que de mouvement, que de monde! Elle montait ensuite dans un immense véhicule où se compressaient des dizaines d'hommes et de femmes. Mais il y a ici des entités spirituelles, et de plus, elle me voit. Oui, Daniel, ce véhicule se nomme autobus, et ces esprits sont sympathiques aux personnes assises, les suivant dans le périple de leurs épreuves. Pourquoi ma mère, qui est un esprit sympathique, ne me voit-elle pas comme les autres? C'est une question de différence dans l'épreuve. Rappelle-toi, Daniel, tu vis également une épreuve personnelle, issue de tes connaissances, tes acquis et tes résolutions. Les esprits survolaient l'ensemble, les gens étaient assis et emmitouflés dans leurs manteaux. Ils respiraient l'air confiné, car peu d'espace les séparait. Entités spirituelles et hommes faisaient de même, tous se regardaient en silence. J'essayais de faire de larges sourires, mais personne ne semblait faire attention à mes mimiques grossières. À l'évidence, mes grimaces ne les inspiraient pas. « Daniel, disait mon guide, Marie-Noël est descendue !» Je me retrouvais alors sur un trottoir, juste devant elle. Elle marchait d'un pas décidé, ma mère la suivait, elle était songeuse. « Où allons-nous » demandai-je. « Chez elle, » répondit mon guide. Marie-Noël passa une vieille porte donnant sur un étroit escalier en colimaçon surmonté d'une rampe usée. Elle monta les marches en s'essoufflant. S'arrêtant au premier palier, je ne perçus plus ma mère, ni mon guide d'ailleurs. J'étais seule, avec cette femme. Elle trifouillait dans ses poches et en ressortit un trousseau de clés. La porte s'ouvrit, laissant apparaître un long couloir au bout duquel deux portes étaient ouvertes. L'une donnait sur une pièce principale, l'autre sur les commodités. La scène que je vis soudain me troubla. Il y avait dans le bain un homme d'âge mûr avec une fillette, ou une jeune femme nue, l'une lavait l'autre. Mais que font-ils? Cette promiscuité est dérangeante. Je sortis de la salle de bain pour me réfugier dans l'autre pièce. L'atmosphère y était plus fraîche, moins embuée. Marie-Noël était là, debout devant son petit évier d'émail blanc. Elle épluchait des légumes, des carottes, je crois. À ses côtés bouillait de l'eau dans une marmite. La vapeur d'eau qui s'en dégageait faisait clapoter le couvercle. Marie-Noël avait un regard vide, lointain. Je ressentais de la peine et du dégoût se dégager d'elle, mais également un profond sentiment de colère. C'était avec des gestes brusques qu'elle épluchait ses légumes. Elle les jetait tour à tour dans le bac d'eau d'une manière brutale. Marie-Noël était préoccupée. Mais où était encore parti mon guide? Il avait cette fâcheuse habitude de disparaître lorsque les choses se corsaient. Et ma mère, où était-elle? Je pensais la trouver autour de cette femme. Soudain, Marie-Noël, s'essuyant les mains avec le torchon qui était posé sur son épaule, sortit de la pièce avec nervosité. Elle entra brusquement dans la salle de bain. Me tenant derrière elle, elle dit aux deux baigneurs « Allez, ça suffit, vous sortez, le dîner va être prêt. » S'adressant à la jeune fille, elle rajouta « Va dans ta chambre te changer et rejoins-nous. » Elle ressortit de la salle de bain pour retourner à son coin cuisine. Là, le monsieur la suivit. À peine essuyée, il était sorti nu, s'exhibant ainsi dans la maison. « Qu'est-ce que tu as encore ? » demanda-t-il. « Pourquoi tu nous emmerdes comme ça ?» Marie-Noël, se retournant vers lui, l'injuria de même et lui demanda de quitter la maison. L'homme s'habilla avec ses vêtements qui étaient dispersés sur le sol de la salle de bain et claqua la porte d'entrée. Je suivis ces événements avec une certaine stupeur. J'étais sans réaction. Tournant la tête de ci, de là, je suivais bêtement le sens des interlocuteurs. Le calme était revenu. Je perçus quelques larmes couler des yeux injectés de Marie-Noël. Soudain, la jeune fille entra dans la pièce et, avec insouciance, demanda « Qu'est-ce qu'on mange ?»« Rien, » répondit Marie-Noël tout en s'asseyant à table. Leurs regards se croisèrent et l'amertume grandissait. « Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça, maman ? Tu sais, je n'y suis pour rien, et d'ailleurs, tu ne fais rien contre !» Marie-Noël resta muette. Pourtant, ces émulsions fluidiques que seule je percevais montraient un feu intérieur, une forte préoccupation mentale. C'est alors qu'apparut ma mère. Elle se pencha sur Marie-Noël. Je pouvais entendre ce qu'elle lui suggérait. Elle lui tenait un discours de paix, incitant au calme. Elle avait une bonne influence sur Marie-Noël. Puis cette dernière demanda à la jeune fille « Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce con ?» La fille, tout en se levant de sa chaise, dit « Il m'a obligée à me raser !» Et soulevant sa jupe ou sa robe, elle montra à sa mère un pubis blessé par le rasoir. Marie-Noël fut prise d'un sanglot, l'esprit de ma mère devint rigide, s'immobilisant comme une statue. Mais ses yeux s'enfonçaient dans sa tête, elle devenait effrayante, transformée par ce triste résultat du vice. Je reconnus là, en un instant, la fureur de celle qui un jour m'avait tuée. Reculant de peur, je tombai dans les bras de mon guide. « N'aie pas peur, Daniel, elle ne te voit pas. Comprends-tu l'épreuve de ta mère, puis celle de Marie-Noël ?»« Non, » répondis-je. « Voilà, » disait mon guide, « cette femme est éprouvée par l'inceste et le viol, subissant une des plus grandes douleurs pour une mère. Sans l'aide de l'esprit de ta mère, Marie-Noël aurait déjà assassiné son mari, succombant alors à d'anciennes pulsions meurtrières. L'épreuve de ta mère, malgré sa répulsion antérieure pour le viol, est justement de solliciter Marie-Noël au calme et à l'action constructive. Elle doit sortir de ce malheur par la voie de la justice humaine, en attendant celle de Dieu. » Ta mère l'aidera afin qu'elle passe au-delà de ses tendances. L'antériorité de ta mère est encore sensible. Elle lutte pour rester dans cette optique. Marie-Noël lutte contre la tentation et la jeune fille vit l'expérience du talion, une situation qu'il ne m'est pas permis de te révéler. Sache qu'au-delà des apparences, chaque être humain nous emmène vers l'éternité. Comprends-tu ? J'étais abasourdie et étonnée par le machiavélisme du plan. Mon guide réagit. Il n'existe pas de plan, ni de mauvaises intentions, mais la place que nous réserve notre cœur. J'étais bien peinée, regardant ces deux femmes, silencieuses, manger leur bouillon, ici dans un petit appartement. Et l'homme, qu'adviendra-t-il de lui ? Mon guide me dit alors, « Viens, nous allons le rejoindre. » C'est ainsi que nous nous retrouvâmes dans une bien étrange ambiance où les femmes et les hommes s'adonnaient à de malheureuses actions, perdues dans une épaisse fumée et des luminaires éblouissants. Le son y était abasourdissant. Notre homme était là, discutant avec d'autres. Il faisait de grands gestes tout en agitant de nombreux billets. Je demandai à mon guide. « Il semble avoir de l'argent. Pourquoi donc sa situation semble-t-elle aussi précaire ?» Mon guide répondit. « Oh, Daniel, ton cœur est pur, mais sache que l'homme se perd souvent dans l'illusion des besoins. Cet argent est le produit de l'égoïsme et, regarde bien, servira à l'acquisition d'un poison, la drogue. » « Il me semble connaître cela, » répliquai-je. « Il y avait également des choses de ce genre dans nos campagnes, de bons produits pour soulager les rages de dents. » Mon guide restait là, silencieux, en montrant un léger sourire. Nous restions là, dans cet endroit obscur où les hommes exerçaient de drôles de coutumes. Il y avait, dans une arrière-salle, un groupe de personnes se départageant du reste de la foule. Elles pratiquaient ce que mon guide appelait « les injections ». En fait, nous allions découvrir les effets de la drogue et ses rapports spirituels. Je demeurais attentif, accusant néanmoins une certaine difficulté à maintenir mon équilibre dans cette ambiance. Je me sentais comme aspiré vers le haut par une force mystérieuse. « Que m'arrive-t-il » demandai-je. Mon guide, se trouvant à mes côtés, m'expliqua. « Daniel, tes fluides s'allègent, ta densité s'amoindrit. L'atmosphère terrestre te devient réfractaire, surtout quand tu y traverses ces sombres régions. » Nous nous situions à la verticale de la pièce. Les personnes étaient affalées sur de grandes banquettes. La lumière projetée était bleue, une odeur nauséabonde s'émancipait, l'odeur de la sueur, de la chaleur et du renfermé. Il n'y avait pas de femmes. Les hommes, gonflant les veines de leurs bras, s'injectaient une substance opaque et, semble-t-il, épaisse. Mon guide me dit « Voici un acte détourné de sa vraie valeur, car dans son aspect médical, l'infiltration est salutaire, bien qu'encore imparfaite. l'humanité future comprendra l'injection médicamenteuse sans la perforation épidermique, une barrière de plus contre la contamination. Ici, l'infiltration se montre sous une forme caduque. Analyse maintenant l'effet de la drogue. Très vite, les hommes se détendirent sur les banquettes. Leur corps devint inerte, s'enfonçant dans la ouate avec désinvolture. C'est à ce moment-là qu'une étrange scène s'offrit à nous. Les esprits de ces hommes commençaient un dégagement corporel, suivi de quelques jérémiades étouffées. La drogue avait annihilé la vitalité des corps. Puis se déploya un véritable plan d'action spirituel. Juste au-dessus de nous apparurent une dizaine d'esprits observateurs qui, silencieusement, scrutèrent la scène, sans montrer la moindre réaction d'affolement ou d'inquiétude. Tout autour de nous, une multitude d'entités infirmières déployaient toutes sortes d'instruments, créant un va-et-vient incessant. Certaines d'entre elles s'efforçaient de maintenir, d'immobiliser les esprits des drogués, une aide que je ne comprenais pas. Tout à coup, surgirent dans la pièce, venue de je ne sais où, des dizaines d'entités aux formes incertaines. Elles se mirent à tournoyer autour des malheureux, à l'exemple des mouches attirées par l'odeur du sucre, cherchant la faille, l'ouverture où elles pourraient se loger. Je vis soudain qu'une de ces entités était parvenue à ses fins. Elle s'agrippa alors, entourant l'esprit des incorporés avec des bras filandreux, montrant un visage ridé par les grimaces. Cette étreinte semblait étouffante. Je compris très vite que l'un vampirisait l'autre. L'entité agresseur se nourrissait des effluves que le poison libérait dans les corps et les fluides. Une action brutale qui secouait les corps inertes de ces hommes. Au bout d'une courte durée et malgré l'aide des infirmières, tous les esprits des incorporés furent atteints. C'était horrible, un véritable acte de cannibalisme. Les infirmières étaient battues. L'on ne percevait plus qu'une masse informe, ronflant et reniflant, écrasant les esprits drogués et leurs corps terrestres. C'était affolant. « Mais ils vont les tuer, dis-je. Comment peut-on laisser faire cela ?» Mon guide répondit. « Daniel, l'aide que ces infirmières ont donnée était louable, mais le libre arbitre de tout un chacun est plus puissant que nos meilleures résolutions. Nous ne pouvons éviter ce fléau avec la force de nos discours ni avec nos fluides. Nous devons prévenir les choses. C'est ce que feront ces hommes. Leurs jours sont comptés et les foyers spirituels les attendent. Je voulais ici te montrer tout à la fois la répercussion physique, mais aussi spirituelle de la drogue. » Il n'y avait pas que l'homme dans cette épreuve, mais également des esprits morts depuis longtemps. La drogue est donc plus une avarie spirituelle qu'une dépendance physique. La poudre blanche n'est que l'effet matériel d'une contamination spirituelle. Il n'y a pas de différence pour tous les autres vices. Je restais inquiet, sentimentalement déséquilibré. Décidément, depuis mon retour sur Terre, je me sentais malmené. Cette planète ressemblait de moins en moins à ce que j'avais connu. « Existe-t-il un rapport avec Marie-Noël » demandai-je. « Oui, Daniel, as-tu déjà oublié pourquoi nous sommes ici ?»« Non, mais le mari ou l'amant de Marie-Noël n'est pas un drogué. Je crois au contraire qu'il en fait un commerce. » « Daniel, dit mon guide, le fait de vendre la drogue est une forme de dépendance. Seule l'intention du cœur doit te renseigner sur la forme que prennent les choses. Il sera rare ici-bas de trouver un individu ne vendant de la drogue que pour nourrir ses enfants ou sa famille. » La vente est une autre forme de jouissance. Mais viens ici maintenant et regarde ce couple. Je me retrouvais dans une chambre à coucher, au milieu de laquelle un lit était occupé par deux personnes s'ébattant. Autour d'eux, silencieuse, une petite assistante scrutait les faits et gestes du couple. Mon guide continua. Daniel, ce que tu vois doit te permettre d'affirmer qu'on ne peut dissocier le monde des esprits du monde des formes, et tu dois comprendre que la spiritualité est l'agent dynamisant de tous les besoins. L'atmosphère devenait impossible, mon équilibre précaire, et j'éprouvais grand-peine à continuer cette étude sur le comportement. La pièce se remplit d'un grand nombre d'esprits venus silencieusement regarder la scène, comme dans un théâtre. Je percevais même, dans cette assistance douteuse, certaines entités prenant des notes. Elles étaient venues avec ce que je pensais être quelques feuilles de papier. Mon guide me dit « Ne juge pas sur l'apparence. Ne t'arrête pas à la forme de ces visions. Ces esprits ne montrent que le vernis d'une soi-disant amélioration par l'étude des comportements. Mais en réalité, ils ne savent que faire de toutes leurs envies et leurs vices. Ils cachent leurs faiblesses derrière l'attitude de l'étudiant. » Daniel, il te faut aller au-delà des formes et entendre ce que te dit ton cœur. Ce fut alors que je m'efforçais de voir au-delà de la volonté de ces esprits. Soudain, l'assistance spirituelle qui était devant moi se transforma. Je ne perçus alors que des handicapés, tordus, boiteux, des monstres fébriles et des larves informes. Si matériels encore, je les voyais se blesser, se déchirer sur les objets de cette terre. Au milieu de cette horrible foule, les incarnés se livraient à leur triste représentation, accompagnés par quelques amis qui, venus pour voir, ne tenaient plus sur leurs chaises. J'étais ébranlée. Cette situation, déjà lourde pour moi, sachant que jadis je fus l'investigateur de viols répétés, me devint odieuse lorsque je vis cette femme malmenée, secouée par un besoin sauvage. Face à cela, je ressentis une certaine tension sur mes anciennes cicatrices émotionnelles. Mon guide, se tenant derrière moi, me dit « Ne sois pas intolérant ou méfiant sur la sexualité, car derrière un acte relatif se cache une action spirituelle immense, ainsi que le schéma de l'univers. Nous aurons l'occasion plus tard d'étudier ensemble son cheminement. Pour le moment, nous devons quitter cet endroit. Tu ne devras en retenir que l'essentiel, c'est-à-dire la résultante spirituelle de toute action dite matérielle. » Les formes que prennent les choses ne sont que facultatives. Tout ne tient que par l'esprit, et les comportements que tu as vus sont issus du spirituel. La matière, elle, n'est jamais une cause essentielle. La terre elle-même n'est qu'une résultante en sa forme, plus qu'un lieu que l'on accepterait ou comprendrait. Puis mon guide me tourna le dos pour se diriger délicatement vers la sortie, mais en fait, il finit par disparaître littéralement à quelques mètres de moi. Commençant ma propre sortie, je pensais ne faire que quelques pas, mais je me transportais spontanément en dehors de l'immeuble. « Où sommes-nous ? » demandai-je. Mon guide répondit « Que vois-tu, Daniel ? » Une grande rue désertée, éclairée à quelques endroits par des fenêtres et des vitrines. Tout était bien sombre. En fait, ma vision était trouble et les détails terrestres ne m'apparaissaient que lorsque j'éprouvais le besoin de les sonder. « Essaye d'être plus précis, » dit mon guide, posté à mes côtés, droit et immobile. « Évalue l'objectif qui nous amène ici. » Réfléchissant, je me rappelais de ma mère, de Marie-Noël et de son ami ou amant. « Oui, » dit mon guide, « regarde et comprends ce qui s'est produit. » Je découvris soudain à terre, adossé contre un mur, l'ami de Marie-Noël. Il se tenait le ventre en soufflant fort. D'entre ses doigts coulait son sang qui se répandait tout autour de lui. Souffrant et inquiet, il tournait la tête de droite à gauche et de gauche à droite comme pour appeler à l'aide. Ses forces lui manquaient, il ne pouvait crier. « Mais il a mal » suppliai-je. « Oui, Daniel, » dit mon guide, indigné par toute cette violence. « Pouvons-nous faire quelque chose ?»« Nous pouvons prier pour lui, » répondit mon guide, « espérer sa rédemption. » Ce triste spectacle me rappela la douleur que j'éprouvais alors, étranglée par ma propre mère. Je ne pouvais m'empêcher d'avoir un pincement au cœur, bien que le pire qui pouvait maintenant lui arriver ait été de nous rejoindre. « Que faisons-nous ? » J'étais impatient et me mis à trépigner. « Calme-toi, Daniel. Mais est-ce utile d'être aussi insensible ? » Me regardant alors, mon guide répondit. « Mais qui te parle d'insensibilité ? Doutes-tu du chemin de l'évolution ? Ta douloureuse expérience ne t'a-t-elle pas conduit vers l'enrichissement ? N'as-tu pas compris l'essence de ton chagrin ? Oui, bien entendu, mais il va mourir ! » Plongeant son regard dans le mien, mon guide me dit « N'est-il pas déjà mort ?» Cette question me fit frissonner. Je ne savais quoi répondre et d'ailleurs n'en éprouvais pas le besoin. « Daniel, tu es encore troublé, mais il faut comprendre que l'épreuve, le mal que tu reconnais, n'est jamais une terminologie, mais un accès. » « Oui, Daniel, cet homme va mourir. Il va subir un passage beaucoup plus douloureux que le tien. Mais nous ne le suivrons pas. Nous allons maintenant rejoindre ta mère, ainsi que Marie-Noël et sa fille. Puis nous retournerons aux côtés de cet homme jusqu'à ses funérailles. Tu comprendras plus tard pourquoi je te montre tout cela. » Nous revînmes alors dans l'appartement de Marie-Noël. Cette dernière ne semblait pas encore au courant du drame qui venait d'arriver. Nous la trouvâmes calme et en conversation avec, semblait-il, une amie ainsi que sa jeune fille. Il faisait nuit et les pièces étaient éclairées par de petits plafonniers. Je percevais aussi ma mère, silencieuse, qui, du haut du plafond, scrutait la scène. Je demandai à mon guide « Que faisons-nous là ? Y a-t-il autre chose à comprendre ?» Mon guide répondit « Te souviens-tu de mes paroles ? Chaque homme ou femme peut nous emmener vers l'éternité. Chaque vie nous amène à Dieu. Il n'existe pas d'épreuves multiples et autonomes, mais une chaîne incommensurable nous rendant tous solidaires. Daniel, tu vas remarquer les liens de cette évolution et la forme qu'elle prend à travers les existences. J'étais devenu curieux et observateur, m'efforçant de repérer les moindres faits et gestes. Je descendis vers les incarnés. Tournant autour d'eux, j'essayais de comprendre l'interaction des vies sur les autres, comme me l'expliquait mon guide. Puis, je me dirigeais vers ma mère, espérant pouvoir communiquer avec elle. Son regard restait vide. En fait, elle ne me percevait pas. J'étais donc quelque peu déroutée. Me tournant vers mon guide, celui-ci me fit signe de la tête, m'incitant à la concentration. Je pris alors place en haut de la pièce et attendis. Mon guide dit « Tu dois t'efforcer d'aller au-delà des visions spontanées. Tu ne vois ici que ce que tes réflexes t'infligent et te montrent comme réalité objective, mais tu peux aller plus loin que les apparences. » Je compris le message et portai ma vision par-delà les formes. C'est ainsi que je perçus d'autres esprits, juste aux côtés de la jeune fille. Ils étaient habillés d'une curieuse façon, portant des bas et une sorte de petite cape. Leurs cheveux étaient ras et leur cou circonscrit d'une grande collerette blanche. J'étais surpris de leur accoutrement. Mon guide, s'approchant de moi, me dit « Alors, Daniel, comprends-tu la situation ?»« Non, pas bien, rétorquai-je. En fait, je ne vois que trois esprits aux curieuses allures, portant la culotte bouffante et des bas de soie. Ils semblent soudés les uns aux autres, accusant une triste mine. » Oui, Daniel, ce sont des esprits souffrants, attachés à cette fille par une antériorité commune où elle était un de leurs compagnons, un semblable. Ils sont ici prisonniers et souffrent de ce que subit cette jeune femme. Ne dites plus rien, réclamai-je avec angoisse. J'ai compris. J'étais pris d'un sentiment de gêne et instinctivement tournai la tête vers l'esprit de ma mère. Celle-ci ne bougeait toujours pas, ne voyant apparemment pas ces entités. Me penchant sur mon guide, je dis « Ce sont les violeurs de ma vie passée !» Mon guide hocha la tête. Oui, j'avais sondé la situation et entrevoyais la justice divine. Quel exemple de rachat où l'abus devient soudain une souffrance voulue. Je ne pouvais imaginer une pareille chose. Tous les vieux acteurs de ma vie, de mes souffrances, étaient donc réunis au-delà d'une simple coïncidence. J'étais abasourdi. Mon guide dit « Daniel, tout nous mène vers l'éternité et la limite n'existe pas. » Je regardais ces esprits avec un certain dépit. Je finissais même par les plaindre. Ils étaient prisonniers de cet abus sexuel et en subissaient le mal. Mon guide continua. Ne crois pas à la punition d'un pontife ou d'un maître vengeur, mais bien au poids de notre conscience. Ce sont eux-mêmes qui se châtient. L'épreuve est faite de compréhension plus que de châtiment. Oui, tout devenait plus clair et le visage de cette jeune victime perdait ici sa pureté et son innocence. Soudain, la femme, l'amie de Marie-Noël, se leva de sa chaise et d'un ton revendicateur déclara « Il y a des esprits ici, je les ressens !» Marie-Noël, surprise et effrayée, répliqua « Oh, ne recommence pas avec tes histoires !» La fillette, attentive, dit « Si, si, laisse-la parler, c'est intéressant !» La femme, lâchée dans son discours, dit « Oui, il y a un esprit ici, il veut parler, je le sais, j'entends un prénom. « Daniel, ça vous dit quelque chose ?» Marie-Noël resta muette. Quant à moi, j'étais estomaquée. Me tournant à nouveau vers mon guide, je lui demandais, hésitant. « Qu'est-ce que ça veut dire ? M'a-t-elle entendu ? Pourtant, elle se trompe, je ne suis pas seule. » Tout était trouble dans ma raison. Je ne comprenais pas ce comportement. Mes repères s'appauvrissaient. Mon guide, souriant, me dit « Daniel, ne t'inquiète pas, cette femme a effectivement ressenti ta présence, car tu t'es émancipé dans cette pièce, tes émotions y étaient grandes. Tu es face à un phénomène médiumnique et nous allons étudier ce comportement. Tu vas comprendre que le matériel n'est que l'extrémité du spirituel. »